mucho, se va passé dans ce monde de débile. Ya ya ya ya ya, sans aucune imagination, colle en légion, peut-être qu'un jour ils changeront. Mort encore, la mort importance, la mort importance, pour le quelque chose, on a droit à la petite blanche. La mort importance, la mort importance, pour le quelque chose, on a droit à la petite blanche. Encerclé de champs, où on passe des hostiles, c'est pour t'approcher les missiles. Ya ya ya ya ya, de nous supporter, pas de nous aimer, d'arrêter de nous enfermer. Libérer les fous, pas l'importance, on s'en balance. Pour les quelques chances, on a droit à la petite blanche. Y'a pas l'importance, on s'en balance. Pour les quelques chances, on a droit à la petite blanche. Chance, on a droit à la petite blanche. On a droit à la petite blanche.